Le débat est ouvert. On va prendre les questions, peut-être deux ou trois questions. Madame Bessis d'abord, ensuite Bruno, ensuite Madame derrière et Charles. Alors, des questions brèves, s'il vous plaît. Donc, pas des exposés, mais des questions brèves. Voilà. Comme ça, parce qu'on est, un petit peu assommé après le déjeuner. Comme ça, on pourra faire une petite pause juste après le débat. Allez-y, à vous. Merci pour ces deux interventions passionnantes dans des domaines très différents. Moi, je voudrais demander à Mel, c'est absolument passionnant cette intervention. D'abord, est-ce que le texte en entier est traduit en français ou vous n'avez traduit que des passages? J'ai traduit des passages, donc, mais le livre est... Le texte en entier est disponible en français. Est disponible en arabe même. Il a été traduit par un germaniste tunisien, Mounir Fendeli, en 2008. Donc, dans ce petit livre, Al-Amira Khalia Ben Ayed, Al-Mara'a wa Ishkaliyat al-Tahadhud al-Ijtima'i fi al-'Alam al-Islami fi bidayat al-Qarn al-Ashri. Et alors, si j'ai bien compris, bon, effectivement, mais vous avez dit que l'ancien journaliste tunisien avait eu des liens, etc. Mais est-ce qu'elle a eu des liens? D'abord, elle est morte en quelle année? Pardon? Elle est morte en quelle année? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle était vivante en 1913. On ne sait pas. Pour savoir si elle avait eu des liens avec les proto-féministes tunisiennes du style Madoulia Routaine ou des femmes comme ça. Et puis, deuxième chose qui m'apparaît très très importante, c'est que d'après ce que vous avez dit, elle est une des premières, si j'ai bien compris, à faire le lien avec entre le despotisme patriarcal de la sphère privée et le despotisme politique du régime sultanien. C'est bien ça. Hein? Ça, c'est très important parce que après, ça a été repris bien plus tard. Oui. Bien plus tard. Oui. On va en 1904. Le livre a été publié en 1904. Donc, ça, c'est très intéressant. Mm. Parfait. Bruno. Oui, merci. Moi, j'ai juste, c'était tout à fait passionnant, mais c'est vraiment passionnant, mais j'ai juste une remarque et une question adressée à Myriam. La remarque, c'est que ce que tu décris, pour le coup, c'est ce qu'on a connu en France sous le nom de Majora et en Angleterre sous le nom d'Entail, qui est décrit dans, je ne sais pas moi, dans les romans du type Orgueil et Préjudice, par exemple, ça parle entièrement de ça, le fait d'éviter que la terre soit divisée. À partir du moment où les frères cadets en sont privés, on est dans un système d'Entail qui est tout à fait choquant pour nos mentalités, mais qui n'a rien d'islamique pour le coup. Je crois que voilà, s'il s'agit au fond d'autre chose, c'est juste une version musulmane d'un phénomène de conservation des terres qui est assez classique, qui est très très classique en Occident. Ma question est très simple, c'est juste. Quand une femme qui travaille accède à la propriété sur ses fonds propres, elle bosse, elle a un salaire, elle achète un appartement dans un an, qu'est-ce qui l'arrive? Elle a le droit à la propriété, là, du coup elle est pleinement propriétaire et elle peut tester en faveur de ses filles, oui. C'est pas... Oui. Tu réponds tout de suite, si tu veux. Oui, bien sûr, elle peut. Non, elle peut pas. Si elle a un fils, si elle a que des filles, oui, bonjour. Je sais pas. Si, enfin... Mais elle peut être propriétaire en tout cas. Bien sûr, mais si elle a un fils, oui. Il récupère. Oui, c'est une très bonne question. Oui. J'ai discuté avec des Iraniens à l'automne, des Iraniennes plus exactement, qui m'ont raconté que leur père se débrouillait pour éviter cette loi de partage. Et rétablir l'égalité. Ce dont je me souviens, c'est que son frère, si elle n'a que des filles, une part revient à son propre frère, à elle, et à sa famille. Mais elle ne peut pas donner entièrement sa part à ses filles seulement. Donc il y aura ses parents s'ils sont vivants, et ses frères. Oui, donc elle n'est pas pleinement. Non. Juste une petite question pour le lancer en une seconde. Pour la prééminence de l'aîné sur le cadet, c'est du droit coutumier, c'est pas du droit islamique, ça. Je suis d'accord. Mais approuvé par la charia. Je suis d'accord. Non, par la charia. C'est purement du droit coutumier. Il y avait une question derrière. Voilà, madame, et après Shahla, et après derrière. Oui, Merci pour ce colloque intéressant, vraiment. J'ai un questionnement, une question, dans le sens de dire qu'il y a beaucoup de... On est arrivé à penser qu'il y a beaucoup de féminisme avec S, on disait, dans l'optique de cette migration, ces générations qui sont occidentales, d'origine d'Orient, par exemple, jusqu'où va ce féminisme? Est-ce qu'il y a des limites de féminisme quand on voit, par exemple, des islamologues qui pensent que l'imam, hein, par exemple, pourrait être à la portée d'une femme. Est-ce que cela rentre dans le féminisme ou dans la liberté qui touche Tawabi Sidinia? C'est un questionnement, je sais que c'est un grand questionnement. J'aurais aimé que Madame Asma est oui. là pour répondre. Oui, mais elle a parlé ce matin. Madame Asma Lamrabat, vous êtes autorisée. Vous n'étiez pas là ce matin? Oui, j'étais là ce matin. Le panel de l'après-midi, ça n'a rien à voir avec les communications des deux collègues. Donc on ne peut pas leur demander de répondre. Vous avez dit, on va arrêter les questions. C'est après. C'est pas tout de suite. C'est après. Ah, excusez-moi. Oui, c'est vers 16h30. Mais peut-être on va répondre tout à l'heure. Parce qu'on aura un débat général, c'est mieux. Madame Chaffet. Oui. Moi, j'avais une question à Myriam aussi. C'est par rapport à... Là, vous dites que... c'est tout d'abord très, très intéressant comme exposé, puisqu'on voit quand même l'interaction entre les traditions et mentalités et le... Voilà, même la loi. Mais quand vous dites que la charia devient quand même un tremplin ou un recours, en même temps, la même charia propose cette mentalité, propage cette mentalité. Et est-ce qu'il n'y a pas en dehors de, au sein de la société omanienne, il n'y a pas d'autres réflexions, oui. il n'y a pas une réflexion critique. Ça, c'est la première. Oui. chose par rapport à cet état paradoxal. Et deuxième question, c'est que vous-même, vous pensez, ça veut dire en fait, quelles sont les pistes de réflexion par rapport est-ce que dans la classe sociale, par exemple, puisque dans les autres pays, on a vu des études qui montrent que les femmes qui sont de classe sociale supérieure, il y a aussi le contraire qui pourrait arriver. C'est que les pères ou l'entourage font qu'ils vont aller chez les instances officielles et demander que le bac soit égal. Est-ce que vous voyez la même chose? Oui, bien sûr. Alors, oui, excusez-moi, j'ai peut-être un peu été rapide. Il y a un phénomène, donc dans les classes les plus élevées, la femme exige d'avoir l'appartement au moment du mariage enregistré à son nom. Parce que c'est une garantie. Parce que souvent, on se rend compte quand les femmes ont entre 40 et 50 ans, souvent le mari se remarie, en fait, très souvent, à une jeune. C'est très fréquent en Jordanie. Mais au moins, l'appartement est possédé par la femme et elle n'a pas cette première chose. La deuxième chose, exactement ce que vous dites, par exemple, l'historien Abou Jaber raconte comment, lui, il a une fille et deux fils et il a fait en sorte que sa fille ait les mêmes parts. Il est millionnaire et il a 92 ans. Je le salue là. Et il a fait en sorte lui-même, il a imposé à ce que ses filles reçoivent, sa fille reçoive également de l'argent, des parts de la société et des biens fonciers en fait. Alors que sa propre mère n'avait pas hérité. Donc ça c'est intéressant et il insiste sur ça. Donc on a également des cas, évidemment, on a plein de cas, oui. Mais. Je pense que c'est surtout dans les élites qui sont fortunées qui arrivent à... La plupart du temps, les femmes... Moi, ce que m'ont dit les juges que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, n'oubliez pas, quelque chose de très important, ne donnez pas une image trop caricaturale de ce qui se passe, parce que vous n'avez pas d'idée de... Il est vrai que les biens fonciers ne sont pas transmis. En revanche, il y a toujours un badal, il y a toujours des sommes d'argent qui sont transmises aux filles. Mais les sommes d'argent qui sont transmises sont symboliques comparées à la valeur de la terre. Donc si les terres valaient 150 000 euros, la fille leur recevoir 10 000. Donc, elle est contente d'avoir 10 000 cash, mais c'est 10% de la somme qu'elle aurait dû recevoir. Donc c'est très très souvent le cas. Donc voilà, il faudrait faire un travail beaucoup plus fin. Dans l'article à Hawa, j'ai mis des cas, des entretiens que j'avais fait à travers les médias sociaux, j'ai décrit des cas d'héritage en mettant les initiales au prénom. Donc on a une idée un peu de ce qui se passe, mais... Merci. Il y avait une question au fond, allez-y. Merci pour vos interventions. Madame, en ce qui concerne les héritages, peut-on comparer cela aux nobles français et anglais qui eux-mêmes, dont les filles n'héritaient pas et héritaient que les garçons, même s'ils n'étaient pas issus du père, mais du coup, la plus proche lignée du propriétaire terrien? Ça, c'est ma première question. Et madame, en ce qui concerne les textes que vous nous avez lus, qui étaient très beaux, je vais faire référence au texte où on vient voir la mariée, enfin la future oui. éventuelle mariée. Enfin, je voulais simplement vous dire que ça existe encore, ça. Ce sont des phénomènes qui, aujourd'hui, existent encore. Oui. Partout, c'est pas... Mais ça existe. J'aimerais répondre rapidement. Il y a un élément sur lequel je suis passée vite, l'exposé était peut-être un peu trop riche, qui est le fait que les Britanniques, en 1927, ont essayé de mettre un terme à ce qu'on appelle l'exploitation des terres mouchard, c'est-à-dire que les hommes d'un village travaillaient en rotation des terres et bénéficiaient des profits comme des parts de l'entreprise, et ont bénéficié des profits. Mais les Anglais trouvaient que du coup, ils ne travaillaient pas assez intensément les terres, et que la productivité des terres n'était pas suffisante. Et donc, ils ont mis ce terme dès 1927, et on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est que ça a induit un processus de fragmentation des terres, mais qu'on a pas seulement en Jordanie, on a dans le reste des pays qui ont introduit les réformateurs. Enfin, Jordanie n'a pas introduit les réformateurs, mais très fort foncière. Donc ça, c'est un point important parce qu'autrefois, tous les garçons pouvaient bénéficier, tous les hommes qui étaient en âge, qui étaient capables de travailler, tous les frères qui étaient capables de travailler, bénéficiaient d'une part des profits réalisés sur la terre. Et donc, mettre un terme au mouchara, ça induit une fragmentation. Par exemple, jusqu'en 2001, on ne pouvait pas vendre de l'eau foncier de moins de 10 donums. Donc, 10 donums. Et après, c'est passé en 2001. C'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, oui. Maintenant, non. Un donum, c'est 1000 mètres carrés. Donc voilà. Maintenant, en 2001, c'est passé à 4 donums. Et cette année-là, février 2019, les lots, maintenant, c'est 1,5 donums. Ça veut dire qu'on va avoir une expansion des villes au détriment des dernières terres agricoles. Et dans 20 ans, ça va être terrible. Enfin, tout le nord, tout autour d'Irbid, au sud d'Amman, Madaba. Et en plus, on a le problème du changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'eau c'est de plus en plus cher de pomper l'eau dans les nappes fossiles, dans les nappes. Donc c'est tout un ensemble qui fait que les paysages sont en train de se transformer de façon très rapide. Et on essaie de penser, donc j'ai travaillé à Montréal pour la Banque mondiale sur des questions de réforme du code de planification urbaine et de construction. Et on a essayé de demander d'avoir à la fois l'utilisation des terrains vacants, de permettre de construire plusieurs étages, d'obliger à, pour le droit des femmes, ça peut être accepté, l'enregistrement de tous les appartements, ça peut être accepté. Et donc voilà. Alors, je connais moins, paradoxalement, je suis française, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans mon mandarin, que je connais plus les situations foncières. C'est les plans locaux du urbanisme, en fait, ce dont vous parlez. C'est-à-dire que c'est des parcelles qui sont dédiées pour qu'on ne puisse pas construire, et de toute façon, ce qui n'est pas un étalement urbain trop important. Mmh. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça permettra de garder les terres agricoles, finalement. La réponse, non ? Bon, c'est un constat, donc oui, ça existe. Dans oui, c'est un constat. Oui. Merci pour vos interventions très très riches. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais ce que j'ai remarqué à partir d'une expérience personnelle, c'est qu'au Liban, par rapport à la question de partage de l'héritage, il y a des règles spécifiques par rapport à chaque confession. Par exemple, dans le code sunnite, on sait que quand on n'a que des filles, il y a toujours des mâles de la famille qui vont partager l'héritage. Mais ce qui est intéressant par rapport à ces questions-là, dans le cas libanais, c'est qu'on a de plus en plus des phénomènes de conversion vers le chiisme pour éviter, surtout de la part du père, pour éviter que l'héritage ne soit pas reparti uniquement c'est très intéressant, ça. Aux filles. Et là, je trouve que c'est pas mal d'être Hassani. Oui, évidemment, ça c'est une pratique courante. Et je voulais dire que, évidemment, il y a des contournements de la loi pour faire plaisir à certains membres de la famille, mais qui sont quand même pas en conformité avec la charia. Mais à ce propos, donc, il y a toujours une certaine schizophrénie généralisée. Et à titre d'exemple, au Liban aussi, en Syrie, je ne sais pas si en Jordanie c'est la même chose, il y a certains, par exemple, l'héritage de certains terrains dans une certaine région du Liban, par exemple la Beka, suit une certaine réglementation, donc ça c'est chez les musulmans, et sunnites si vous voulez. Et des terrains qui sont dans le mont Liban, ils suivent une autre réglementation. Dans la Beka, ça suit la réglementation selon laquelle la fille hérite autant que le garçon. Donc ça, c'est dans la chez les musulmans sunnites. Hein. Et dans le mont Liban et Beyrouth, la fille hérite la moitié. Et pourtant, on est là. Ça veut dire que dans la Beka, c'est des terres mairies, et dans l'autre, c'est des terres mairies. Exactement. Et dans la Beka, c'est une terre qu'on appelle Amiri, ou Moucha, où il faut prouver qu'il n'y a rien de construit dessus, et je ne sais pas quoi, parce que du temps. Et ça, c'est une pratique qui existe depuis l'Empire Ottoman. C'est ça. Donc, c'est même pas apparu après l'indépendance. Et donc, il y a des règles d'héritage différentes, opposées, sous le même toit, quoi. Comme on dit, l'été et l'hiver sous le même toit. Et qui n'est pas dénoncé, disons, justement, par ces oulémas, etc. Disons, c'est tout à fait normal. Bien, merci pour les deux interventions sur la question de l'héritage et de la propriété. Une dernière question, sinon on va prendre une petite pause s'il n'y en a pas. Oui. C'est une question pour vous. Pour moi. Pour vous aussi, j'aime beaucoup. Non. Aujourd'hui, je préside. Oui, voilà. Donc, par rapport à cette figure à la fois tunisienne et tout, c'est ça la question. Est-ce que vous la considérez, puisque quand même, elle a été assez jeune quand elle est allée en Turquie. Elle est née à Constantinople. Voilà. Elle est née, elle a grandi. Et pour vous, puisque moi, j'ai eu le sentiment que vous l'identifiez toujours aussi comme une Tunisienne. Non, pas du tout. Non. Non. Donc elle a des origines aussi tunisiennes, du côté de son père. Seulement un sentiment parce que vous êtes, c'était peut-être le portrait de père qui était tellement. Alors puisque c'est une figure quand même qui a marqué effectivement l'histoire de la Tunisie, je pensais que c'était. Bien sûr. Non, pour moi aussi c'était très intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs ce sentiment. Puisque mais elle-même, elle se revendiquait comment elle se voyait comme turque. Donc elle, dans son livre, elle parle de la femme turque d'ailleurs, elle ne parle. Mais par rapport à elle-même, elle a le sentiment d'être d'origine. Oui, on s'identifie aussi en tant que femme turque. Donc D'accord, mais ses origines viennent dans ses écrits autobiographiques sur elle ou non? Alors, il y a un seul texte qui a été écrit sur elle, ce qui est consacré vraiment à elle, et qui parle aussi à la fois donc de ses origines tunisiennes et de son contexte donc ottoman. En tout cas, c'était vraiment très, très fascinant. Merci.